on connaît l'histoire, une chance a toujours été violent. Mais on ne pouvait pas péter la panique quand quelqu'un était insolent. Il y a toujours eu des guerres, des maladies, des misères. C'est le lot quotidien de l'habitant de la planète Terre. On le sait, on y adhère, en le provoquant ou en fermant. Dès les yeux, on sent l'odeur de tous ces cadavres qui ferment. Depuis des milliers d'années, il fait des milliers de canets. Il le sent même nouveau-né, et on ne s'en remettra jamais. Ainsi que toutes ces croix gammées, et ces maisons toutes cramées. Ne dis pas qu'en 2006, il y a plus de violence que jamais. Pensez donc aux affamés, de d'hier et de demain. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas les seuls à avoir manqué de pain. C'est toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. C'est toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. C'est toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. Je reste là-haut. Je reste là-haut. Heureusement qu'il y a des gens qui donnent leur temps, parfois leur sang, pour sauver le monde en protestant. De sa propre tombe, le Vatican, le monde des juifs, les musulmans, tous la même merde, je le prétends. Je suis athée, 100%, le fuck la religion, je suis franc. Je suis désolé pour ma grand-mère, si je crois que l'enfer, il est sur terre. Mais à la télé, dans mon rocking chair, j'ai jamais vu autant de lobos de chair. Je comprends que tu aies besoin de croire, d'avoir un petit peu d'espoir. Seulement ça ne te donne pas le droit, tu es au nom de ton foutoir. On dit que la liberté s'arrête, là où celle des autres commence. Je crois que t'as loupé un truc, elle est abîmée puis recommence. Je crois pas que la Torah autorise le massacre de masse. Par contre quand Sharon l'hospitalise, ça fait pleurer les masses. C'est toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. C'est toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. C'est toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. J'reste là-haut. J'reste là-haut. Il te porte garant de quoi? De la bonne moralité. Devant nous, tu te places en juge. Comprends où l'astuce te veut nous niquer. La seule raison pour laquelle tu ne les éclates pas, et que tu veux quelqu'un porter de l'attrait. La raison pour laquelle tu as sauvé. Dans ça, mon livre, ça se saurait. Et c'est très très bien, c'était vrai. Mais par contre, on sait que vous êtes très. C'est pour ça que dans tes films, tu les fais passer pour des gays. Mais c'est toi qui as un problème de teub. Peut-être t'as du mal à trouver le point G. Par contre, tu as le doigté en ce qui concerne faire chier. Avec tes conneries de gendarme, de ce salon décapé. Là, tu peux ouvrir. Ce matin des Indiens, c'est toi qui les as scalpés. J'suis forcé de constater, tu t'en sors bien parfait. Content pour toi t'aspect, prends ton pif et cache des. J'ai toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. J'ai toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. J'ai toujours le même débit, rien ne changera, je prédis. Donc je reste là-haut, ouais je reste là-haut. Je reste là-haut. Je reste là-haut.